Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, vous avez raison, regardez l'heure, on est un peu en retard. Ce retard est dû au fait qu'on voulait vous préparer en fait la traduction de ce texte que nous allons travailler aujourd'hui. Et puis ça ne va pas aussi vite que nous l'avons espéré, c'est-à-dire c'est aussi un peu notre faute parce qu'on s'est peut-être présenté un peu tardivement au service responsable pour cela. Donc ça doit arriver à un moment ou à un autre. En attendant, parce que je ne vais pas commencer avant que vous ayez le texte, en attendant, j'aimerais juste donc vous rappeler que nous allons donc commencer aujourd'hui une nouvelle formule de ce cours qui va prendre, j'espère que vous avez le courage, 90 minutes, donc une heure et demie. Sans interruption, j'espère que ça ira. Et puis, les choses sérieuses vont commencer puisque nous allons travailler dès aujourd'hui sur des textes. Donc, ce que nous avons fait les deux dernières semaines, c'est un peu de brosser un tableau général sur l'histoire d'Abraham telle qu'elle se trouve dans la Genèse. Nous avons un peu rappelé d'abord le contenu, après les différentes hypothèses sur l'historicité ou non du patriarche. Nous avons aussi vu qu'il est très très difficile d'avoir une hypothèse raisonnée sur la formation de ce cycle. Donc je vous ai présenté un peu les différentes manières de voir les choses. Je vous ai esquissé une certaine manière de hypothétique, donc qu'il faudrait maintenant un peu vérifier, d'imaginer la formation de ce cycle à partir de l'idée que chez les prophètes, les livres prophétiques, Abraham devient une figure populaire à l'époque de l'exil babylonien. Donc ce qui pourrait être un peu un point de départ en s'imaginant que peut-être à ce moment-là, on a commencé vraiment à mettre par écrit ces récits, ce qui n'empêche pas qu'un certain nombre de ces récits peuvent être plus anciens. Donc, et nous allons donc, dans les semaines qui viennent, tester un peu cette hypothèse que l'histoire d'Abraham prend donc, forme à partir du VIe siècle, mais nous allons voir aussi qu'il y a des traditions plus anciennes. Ce que nous allons voir aujourd'hui, je crois que les feuilles sont arrivées, non ? 5 minutes. Alors, 5 minutes, donc, ce que je vous propose, quand même, pour ne pas vous faire attendre trop longtemps, on va commencer avec la traduction de ce texte, puisque vous l'avez ici sur l'écran, et après vous l'aurez dans les mains, quitte à faire un petit stop technique l'arrivée des feuilles, qui sont toujours considérées comme un immense cadeau par les gens, c'est, je ne sais pas, c'est, quand on a des feuilles, bon, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Donc, quand ils arriveront, on verra comment on gère la chose, parce que ça va être un tout petit peu compliqué, mais on y arrivera. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le tout début de l'histoire d'Abraham, qui commence donc vers la fin du chapitre 11, au 26, ou plus précisément 27, au 26 déjà, on parle du père d'Abraham et de sa naissance, une première femme, mais l'histoire proprement dit commence au chapitre 27. Et puis, je vais vous traduire les choses au fur et à mesure. C'est une traduction donc personnelle, une traduction qui comporte certainement quelques questions, mais nous allons essayer de l'affiner au fur et à mesure. Donc, voilà comment ça commence. Voici l'histoire de Terach. Terach engendra Abraham, Nahor et Haran. Et Haran engendra Lot. Il y a beaucoup de noms dont on va discuter ensuite. Haran mourut devant la face de Terach, son père, en son pays natal, à Ur-Kasdim. Là, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, qui s'intéressent aux différences par rapport aux versions que nous avons, on peut signaler tout simplement que le texte grec, donc abrégé avec le chiffre 70, la 70, donc, ne traduit jamais le mot « Ur ». Alors peut-être il n'a pas connu, il n'a pas voulu le traduire, mais traduire toujours dans le pays, dans la terre de Kasdim, des Chaldéens en fait. Abraham et Nahor se prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor, Milka, la fille de Haran, le père de Milka, et aussi le père de Yiska. Donc il y a trois dames qui sont présentées. Et de Sarah, on nous dit, Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Chose curieuse dans une généalogie, comme je vous l'ai déjà dit. Alors là, juste pour les spécialistes, une petite particularité, puisque en hébreu, vous avez une forme très bizarre pour dire enfant, vous avez walad, qui est plus de l'arabe que de l'hébreu, et qui est attesté très rarement dans la Bible, seulement ici et dans un autre texte éventuellement. Et Terah prit Abraham, son fils, et Lot, le fils de Haran, le fils de son fils, donc son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent avec eux, ça c'est bizarre aussi, ils sortirent avec eux d'Ur Kasdim pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent jusqu'à Haran et s'installèrent là-bas. Donc là, il y a un problème, c'est le double il. Il, parce qu'on dit Terah prit, et puis après, un pluriel, ils sortirent avec eux. Donc les différents manuscrits, les différentes versions ont essayé de trouver une raison à cela ou de faciliter la lecture. La Peshitta, donc la tradition syriaque, lit le singulier et donc il traduit il, donc Terah sortit avec eux. Une autre possibilité, c'est faire comme la Septante, le Pentateuque samaritain, la Vulgate, donc la traduction latine, et donc de comprendre le Aleph-Tehem comme désignant un objet direct. Donc, il les fit sortir, donc Terah les fit sortir. Évidemment, quand on fait ce qu'on appelle la critique textuelle, le plus compliqué, c'est le texte massorétique, le texte hébreu. Et donc, a priori, il y a une règle qui dit, alors en latin, « lectio difficilior probabilior ». La leçon la plus difficile, c'est la leçon avec laquelle il faut se battre, parce que les autres, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont changé. Donc, on va garder pour le moment le pluriel et voir si on peut l'expliquer. Et les jours de Terah étaient de 205 ou alors de 145 ans, et Terah mourut à Haran. Donc c'est quand même un âge déjà assez remarquable. Là, il y a aussi un problème. Il y a un problème parce que dans le Pentateuque samaritain, nous avons 145 ans, alors que le texte massorétique, texte de la Bible hébraïque, nous dit 205. Alors comment comprendre cette différence? Alors, c'est clair, ce qui explique le 145, c'est que en fait, dans le Pentateuque samaritain, Terah est mort. Donc le père d'Abraham est mort au moment où Abraham va partir. Alors que dans le texte de massorétique, Terah vit encore 60 ans alors que Abraham est parti. Donc voyez le problème. Souvent on dit en fait que les 145 ans, c'est une lecture plus facile pour éviter que Abraham part alors que son père est encore en vie. Alors, est-ce que c'est la solution? Ben, nous allons y revenir tout à l'heure. Quelque chose. C'est moi qui... Alors, Yahvé dit à Abraham, « Va, toi, de ton pays, de ta parenté, et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai grand ton nom pour que tu sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et là on passe au singulier, et celui qui te méprise, je le maudirai, et se béniront en toi ou seront bénis en toi toutes les familles du sol ou de la terre. » Abraham s'en alla comme Yahvé lui avait dit, et Lot alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, et toutes les richesses qu'il possédait, tous les êtres qu'ils avaient acquis, littéralement tous les êtres qu'ils avaient faits. Comment on peut faire un être, donc on va voir. Tous les êtres qu'ils avaient faits à Haran, ils sortirent pour aller vers le pays de Canaan et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne du Devin, ou le chêne de Moré, on va y revenir. Le Cananéen était alors dans le pays. Là, de nouveau, la Septante, Moré, elle n'a pas trop compris ou elle n'a peut-être pas voulu traduire. Elle a traduit par « élevé », comme elle a aussi traduit dans l'histoire du sacrifice d'Abraham. Donc là, il y a peut-être une hésitation des traducteurs grecs. Yahvé apparut à Abraham, il lui dit « à ta descendance, je donnerai ce pays ». Il construit là-bas un hôtel pour Yahvé qui lui était apparu. De là, il se mit en marche vers la montagne, à l'est de Bethel. Il dressa sa tente, Bethel à l'ouest, Haï à l'est. Il construit là-bas un hôtel pour Yahvé. Il invoqua le nom de Yahvé. Là, il y a une petite particularité sur laquelle je reviendrai aussi, que l'attente d'Abraham est écrite de manière un peu inhabituelle. Si on n'avait pas la vocalisation, on pourrait penser que c'était l'attente d'une femme parce que le suffixe, en fait, est un suffixe possessif du féminin et pas un possessif masculin comme l'a écrit justement, disons justement, comme l'a corrigé le Pentateuque samaritain. Donc sur cette forme un tout petit peu bizarre, nous allons y revenir aussi encore un petit moment. Et puis, finalement, Abraham se dirigea de plus en plus vers le Négev. Voilà la traduction que vous aurez au cours de cette séance et qu'il est utile d'avoir sous les yeux. Si vous avez une Bible avec vous, évidemment, ça fait aussi tout à fait l'affaire. Donc, vous avez peut-être remarqué que c'est un texte qui a deux grandes parties. Une première partie à la fin du chapitre 11, nous sommes tout à fait dans les notices généalogiques et dans les itinéraires. Il ne se passe pas grand-chose, c'est simplement raconté sans tension narrative particulière. Et puis, nous avons une deuxième partie, à partir du chapitre 12, qui est en effet initiée par un discours divin, mais qui vient assez abruptement. On ne sait pas très bien comment, où, comment ça se passe. Et dans cette deuxième partie, c'est en effet le discours de Yahvé qui met les choses en place. Évidemment, on y reviendra. Première chose qu'on peut dire, quelle est la fonction de ce texte? Alors, ce texte, évidemment, a comme fonction d'introduire l'histoire d'Abraham. Mais il fait aussi le lien avec ce qui précède. Puisque l'introduction à l'histoire d'Abraham, qui s'ouvre avec le titre que je traduis par « Voici l'histoire de Terach », le terme est « toldod », je reviendrai, donc les engendrements, les enfantements, on va voir ce que ça signifie en détail. Et évidemment aussi d'abord la suite de la généalogie précédente, parce que ce n'est pas un commencement abrupt. Si vous regardez votre texte, vous vous rendez compte qu'il y a déjà une généalogie qui précède les toledotes de Sem. Sem, évidemment, qui a donné aux scientifiques le nom de sémite. Les langues sémites, en fait, c'est une création à partir du texte biblique où on a considéré que les descendants de Sem, justement, ce sont les sémites. Donc, cette généalogie de Sem suit l'histoire de la tour de Babel, sur laquelle nous devons aussi encore dire quelques mots aujourd'hui, puisque cette histoire de la tour de Babel est encadrée par la généalogie de Sem. Ce sont les fils de Sem déjà à la fin du chapitre 10, donc à savoir les familles de fils de Noé, et ça reprend après l'histoire de la tour de Babel pour aller jusqu'à Terach, qui lui ensuite va introduire donc l'histoire d'Abraham, les toledot de Sem, qui se termine avec la notice au verset 26. Terach eut 70 ans lorsqu'il engendra Abraham, Nahor et Haran. Voilà, donc les textes vont vous être distribués. Je pense qu'on peut essayer de continuer sans grande interruption. De toute façon, c'est exactement ce que je vous ai dit. Alors, maintenant, du point de vue formel, on peut voir la structure de ce texte. Vous avez clairement au milieu le discours divin. Il y a un ordre, une exécution qui est encadré trois fois, qui est d'abord encadré par une notice chronologique concernant la mort et l'âge de Terach à la fin du chapitre 11. À cela correspond ensuite l'âge d'Abraham dans la notice qui suit le discours divin. Donc vous avez un premier encadrement avec l'âge de Terach et puis l'âge d'Abraham. Puis vous avez un deuxième encadrement qui est un encadrement d'itinéraire. Un encadrement d'itinéraire, à savoir en 1131 de Kastim à Haran et puis de Haran à Canaan. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des correspondances très étroites entre les deux. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On peut voir qu'il y a des correspondances très, très précises entre les deux versets, 11.31 et 12.5. Dans les deux cas, même introduction, Terach prit Abraham, son fils et Lot. Abraham prit Sarah, sa femme et Lot. Ils sortirent avec eux d'Ur Kastim. Ils sortirent pour aller dans le pays de Canaan, pour aller vers le pays de Canaan. Alors, dans la première notice, évidemment, ils arrivent jusqu'à Haran. Dans la deuxième notice, ils arrivent en Canaan. Donc, vous voyez que les deux encadrements se correspondent évidemment avec une différence de taille qu'on peut voir en revenant sur la structure de 11-27. Terach, en fait, va rester à Haran. C'est là qu'il va mourir. Donc, il y a en effet une claire césure qui est faite par ces correspondances qui, en même temps, indiquent aussi tout de suite la différence entre Abraham et entre Terach. Et puis, il y a un troisième encadrement encore, donc, qui est aussi un encadrement pas tout à fait identique, qui est lié à la descendance, à la généalogie. Donc, nous avons le taux de Terach avec une rupture qui est la stérilité de Sarah. Comment la généalogie va-t-il pouvoir continuer ? Est-ce que vous voulez une chaise, madame ? Tu peux juste. Alors, donc il y a en effet une rupture qui est introduite par la notice de la stérilité, et à cela correspond en fait à la fin. Non pas vraiment une généalogie parce que justement Sarah est stérile, mais il y a quand même dans la promesse que Dieu lui donne dans le pays, je donnerai le pays à ta semence, Zera. Donc il y a quand même quelque chose qui correspond en fait à la généalogie précédente, bien qu'elle soit liée à un autre itinéraire. Voilà, comme ça on peut décrire la structure de ce texte. Je vous ai dit que c'est un texte qui sert d'introduction parce qu'il introduit les acteurs principaux, Abraham et Sarai, qui vont occuper la scène dès les chapitres 12. Le terme de la parenté et des engendrements est présent dans le terme, justement, Moledet, qui est repris en 12.1, et la racine Yalat va, en effet, se retrouver à plusieurs endroits dans l'histoire d'Abraham. La mention de Nahor et de Milka va déjà préparer la suite, puisque dans les chapitres 22 et surtout 24, ils vont en effet engendrer Bethuel, qui va être le père de Laban et de Rebecca, pour faire le lien avec l'histoire suivante. La mention de Lot va évidemment préparer les chapitres 13 et 19, où il y a la séparation et puis l'histoire de Sodome et Gomorre. la stérilité de Sarah, nous en avons déjà parlé, et puis les promesses du pays vont être en quelque sorte la deuxième intrigue du cycle. Alors juste, si vous me permettez un petit excursus sur promesses, on parle souvent des promesses faites aux patriarches. Alors il faut juste vous dire que le mot promesse n'existe pas dans la Bible. Ce qu'on dit ou traduit, Dieu lui promit, ou Dieu, la promesse que j'ai faite à tes pères, etc., c'est soit simplement la parole, ou c'est un serment que Dieu fait. Mais le terme promesse est un tout petit peu, peut-être trop théologique. C'est-à-dire, dans la Bible, Dieu dit ou il fait un serment. Bon, on peut dire que c'est une promesse, ce qu'il dit, mais c'est déjà une interprétation. Voilà. Et maintenant, je vous demande une petite attention parce que ça va être un tout petit peu compliqué dans les minutes qui viennent. Il faut se poser une question. En ayant lu ce texte, puis on pourra faire un sondage, mais ça voudrait être un peu compliqué quand même. Est-ce que ce texte que vous avez sous les yeux maintenant, est-ce que ce texte est l'œuvre, ah, vous ne l'avez plus ? Bon, mais ce n'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je le mettrai de toute façon sur le site et puis vous en prenez. Il y a des restes là-bas ? Il y a des restes là-bas, donc on va les faire arriver chez vous. Voilà. Oh, il y a encore plein. Donc, la question que j'aimerais poser et qu'il faut se poser de manière... disons pour chaque texte, est-ce que ce texte est l'œuvre d'un seul auteur ? Est-ce que c'est une seule personne qui a écrit le tout ? Alors, si je vous posais la question comme ça, vous diriez quoi ? Oui ou non ? Ah, ben c'est très bien. Mais pourquoi non ? Là, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Pourquoi ce n'est pas un seul auteur ? Parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est comme ça. Mais il y a quand même un certain nombre d'indices qui nous permettent de dire ça. C'est-à-dire, il faut toujours, évidemment, quand on fait ce travail qu'on peut appeler un travail de diachronie, c'est-à-dire s'intéresser un peu à la préhistoire de ce texte, il faut évidemment avoir des arguments. Pourquoi ça ne peut pas être écrit d'une seule main ? Alors, il y a en effet un certain nombre d'observations diachroniques qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire, auquel on peut penser, si vous lisez le texte, vous rendez compte que si vous commencez avec l'histoire de ce qu'on appelle la vocation, c'est aussi un terme un peu compliqué, l'appel ou disons le premier discours divin à Abraham, où Dieu donc lui dit « va dans ton pays », etc. Abraham s'en alla comme Yahvé lui dit, et Lot alla avec lui. Normalement, cette histoire, elle commence ou continue où ? Elle continue pas vraiment dans la suite, elle continue plutôt à partir du verset 6, n'est-ce pas ? Parce que faites le test, vous passez directement, Lot alla avec lui, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, etc. Par contre, si vous prenez la deuxième partie du verset 4 et puis le verset 5, vous avez encore une fois Lot alla avec lui, alors qu'on le sait déjà. Hein ? Et en fait, c'est une petite interruption, parce que pourquoi il faut indiquer l'âge d'Abraham ? Tout cela, en fait, est un peu redondant par rapport à la suite. Alors, en même temps, on peut dire autre chose encore, et surtout quand on peut regarder le texte hébreu, on voit en effet que dans cette deuxième partie, là, donc 4b et 5, on trouve la suite, non pas de 12, 1 à 4a, mais on trouve la suite de 11-31, c'est-à-dire de la liste généalogique. Hein ? Terach prit Abraham, etc. Et le jour de Terach était de 200 ou 145 ans. Terach mourut à Haran. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarah, etc. Donc là aussi, vous pouvez faire le test. Ça vous fait aussi un récit. Hein ? Sans l'appel divin, sans la vocation de Yahvé. Donc, on peut dire, en effet, que nous avons là, apparemment, deux textes qui ne sont pas de même provenance. Par contre, on n'a pas besoin, comme on peut le lire parfois, de vouloir encore faire des différences à l'intérieur de toute cette partie première, donc généalogique. Parfois, on veut distinguer entre un certain nombre de versets que vous avez affichés ici. Je ne vais pas aller dans le détail, simplement parce qu'on est d'accord, un rare accord quand même, de dire que ces notices généalogiques avec l'âge, ce qu'on appelle P, on a parlé un tout petit peu, vous vous souvenez, le milieu sacerdotal. Hein, les prêtres, peut-être qui ont écrit ça en exil ou après l'exil. Mais parfois, on veut différencier en disant, mais il doit y avoir un début plus ancien. Mais ça, c'est plutôt un peu un argument circulaire, parce qu'on dit, mais P, c'est justement pas très très ancien, c'est plutôt récent. Ou est-ce que le début ancien de l'histoire d'Abraham? Puis on dit peut-être il est en 28 à 30. Mais vous ne pouvez pas enlever 28 à 30, essayez, parce que du coup on ne comprend pas pourquoi Abraham sort avec Lot si on ne raconte pas que Haran est mort. Donc tout ça se tient. Il n'y a pas besoin en fait là de différencier encore. Donc ce que je vous propose comme hypothèse de travail, je me laisse très volontiers convaincre par d'autres hypothèses, donc de distinguer deux niveaux. Un niveau donc 11, 27 à 32 et 12, 4 à 5, 4b à 5, ce que je vous ai montré, ce qu'on peut appeler un texte P. On verra encore ce que c'est un texte P. Mais il y a un certain style, il y a en fait un vocabulaire qui marque l'unité de ces versets. Et puis, l'autre texte, le discours divin et l'autre d'itinéraire, parce qu'il y en avait deux, qu'on peut appeler pour le moment un texte non-P. Avant, on avait parlé du yaviste, moi je ne vais plus parler du yaviste. Et puis on va voir aussi encore, et ça c'est une question intéressante aussi, quel est le premier de ces deux? Question intéressante sur laquelle je vais revenir aussi tout à l'heure. Maintenant, ce n'est pas simplement faire de l'art, pour faire ces distinctions diachroniques. Parce qu'ils permettent aussi de voir une évolution dans la manière où on envisage le déplacement d'Abraham ou de la famille d'Abraham de Our en Canaan. Pourquoi Abraham est-il parti, lui de Haran ou de Our? Ça dépend justement, on va le voir. Pour quelle raison? Si vous prenez simplement les textes qu'on a attribués à P, la généalogie, l'itinéraire, c'est tout simplement l'initiative de Terach, son père, qui va mourir, lui, à Haran. Il n'y a aucun ordre divin. C'est une initiative de Terach, puis on ne sait pas pourquoi. Et puis, si vous prenez le texte non P, donc en 12, le départ d'Avram il s'appelle encore, est lié à un ordre divin. Là, c'est Yahvé lui-même qui dit « pars, pars de ta parenté, de ton pays ». Mais quel est le pays d'où Abraham doit partir? De quel pays il doit partir? Les rabbins étaient très intrigués par ça. D'où Abraham est-il parti? Si vous prenez le texte tel qu'il est maintenant, Abraham est parti de... Non, justement pas, de Haran. Il est parti de Haran, parce que c'est Terach qui est parti de Our. Hein, et donc, ils sont déjà arrivés à Haran, au verset 31, et puis le discours de Dieu se passe maintenant. Donc les rabbins déjà ont dit, mais ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il y a d'autres textes qui disent, en Genèse 15 ou en Néhémie 9, lorsque Dieu se présente à Abraham en Genèse 15, il dit, c'est moi le Seigneur, c'est moi Yahvé qui te fait sortir de Ur-Kasdim, de Ur des Chaldéens. Donc il y a un problème là. Donc les rabbins ont dit, en effet, le discours de Dieu au chapitre 12, il est à mauvaise place. Il n'est pas à sa bonne place. Alors, je pense qu'il est tout à fait à sa bonne place, mais ils étaient en effet conscients de différentes manières de situer cet appel que Dieu adresse à Abraham. En 12, il est intégré dans un itinéraire où Abraham est déjà à Haran. Et après, vous avez un autre stage où on veut en effet que Abraham lui-même, par appel de Dieu, sort de Our. Donc, si vous voulez, vous avez en effet trois manières différentes d'envisager les choses. D'abord, tout est initiative de Terach. Ensuite, on dit non, non, c'est Dieu qui l'a appelé, mais on l'intègre d'abord dans cet itinéraire. Donc, du coup, cet appel n'intervient qu'à Haran. Ou alors, troisième relecture, si j'ose dire, des textes très tardifs, comme Genèse 15 ou Néhémie 9, où Abraham lui-même est appelé par Yahvé dès le pays d'Our. C'est ce qu'on a dans la tête, ce que nous avons tous dans la tête, c'est Abraham est appelé par Dieu dans le pays de Our, ou dans la ville de Our. Alors que, vous voyez, dans la Bible, c'est un peu plus complexe. Donc, vous voyez, vous avez en effet une évolution dans cet appel d'Abraham. Et puis, Pafa, donc justement, quand vous lisez un peu la littérature rabbinique, vous voyez que les rabbins étaient très, très souvent très, très attentifs à ces problèmes. Ils ont essayé de l'expliquer à leur manière. Maintenant, on connaît tous sans doute cette « va de ton pays vers le pays que je te ferai voir » et on s'intéresse un peu moins au verset qui précède. On s'intéresse un peu moins à la généalogie. Mais je vous propose quand même qu'on s'arrête un tout petit peu sur les généalogies. Les généalogies, c'est très important. C'est très important dans l'Antiquité, comme aujourd'hui. En France, si vous allez sur Internet, des sites sur « Trouvez vos ancêtres, faire la généalogie », ça abonde. Et je connais plusieurs amis qui sont tout à fait des férus de généalogie. De qui descend, qui étaient mes ancêtres ? C'est passionnant. Mais ce n'est pas seulement passionnant, c'est évidemment aussi un moyen de définir des rapports de parenté entre différents groupes à l'intérieur d'une société. Donc les généalogies ont souvent aussi une fonction politique très très importante. Donc on a ce qu'on peut appeler des généalogies linéaires, soit ascendantes où on s'intéresse aux ancêtres d'une personne, ou des généalogies descendantes où justement on s'intéresse aux descendants d'une personne. Donc on commence avec l'ancêtre, ou alors on monte vers l'ancêtre. Et puis il y a ce qu'on peut appeler des généalogies segmentaires. Qu'est-ce que c'est une généalogie segmentaire? C'est des généalogies qui s'intéressent plutôt aux relations de parenté à l'intérieur d'une même génération, ou de différentes tribus, c'est-à-dire, en fait, on va voir pourquoi je suis cousin d'un tel, pourquoi je suis frère ou sœur d'un tel. Donc là, c'est toujours l'idée un peu de définir les rapports à l'intérieur d'une même génération ou au niveau des clans, des tribus. Donc, a priori, on peut dire qu'une généalogie segmentaire peut avoir une fonction égalitaire parce qu'elle affirme souvent qu'un certain nombre de tribus ont le même ancêtre. Donc, les généalogies sont très importantes dans la tradition orale, bien sûr, mais aussi dans l'écrit. Nous connaissons beaucoup de listes de la Mésopotamie qui nous énumèrent des rois. Une liste très connue énumère les rois avant le déluge et les rois après le déluge. Alors, avant le déluge, c'est un peu comme dans la Bible, ils ont des durées de vie très, très, très longues. Plusieurs centaines d'années, après ça se réduit un tout petit peu, et on passe d'une certaine manière ainsi du temps plus mythologique des origines aux époques plus historiques. Ça, c'est aussi une des fonctions. Mais en même temps, on peut dire, en effet, les généalogies peuvent être transmises d'époque à époque. Les généalogies bougent. Ils sont instables, les généalogies. Ils ne sont pas simplement transmis fidèlement de génération en génération. Alors là, je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, mais c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs enquêtes, disons, enquêtes sur le terrain, d'ethnologues qui ont observé, notamment dans les sociétés dites plutôt orales, d'Afrique notamment, qu'on peut changer les généalogies. Par exemple, si un clan tout à coup devient plus important, alors il faut aussi que son ancêtre devienne plus important. Si deux clans s'unissent, il faut aussi qu'ils en soient le même ancêtre ou que leurs ancêtres étaient des frères ou des cousins ou pères et fils. Donc on va, en effet, parfois quand il y a un changement dans une micro-société, on va aussi changer les généalogies. Tout d'un coup, on va dire, mais on ne sait plus très bien, mais toi, tu descends de qui? Donc on va brouiller les cartes et puis on va redéfinir les généalogies. Le conseil des anciens qui va redéfinir les généalogies. Et on peut imaginer cela aussi un tout petit peu pour la Bible par rapport justement au lien généalogique entre Abraham et Jacob. Abraham et Jacob deviennent des parents au moment où on dit, voilà, le nord et le sud, on a une même origine, hein, puisque évidemment Jacob est plutôt un ancêtre du nord et Abraham un du sud. Mais probablement, ils n'étaient pas toujours dans une relation de parenté. Si vous regardez la Bible, vous voyez qu'il y a certains livres qui sont férus de généalogie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu le premier 9 chapitres du premier livre des Chroniques. Il n'y a que des généalogies. 9 chapitres, que des généalogies. Alors évidemment, pour le lecteur moderne, ça pose un certain problème d'attention, mais probablement pour les destinataires de ce texte, c'était quelque chose de très important. Probablement aussi un moyen de pouvoir se rattacher à tel ou tel ancêtre éponyme qu'on trouvait là-bas. Et si vous lisez aussi les livres d'Esdras, de Néhémie, vous vous rendez compte que pour ceux qui reviennent de l'exil ou ceux qui sont dans le pays, il est très très important de pouvoir se rattacher à une généalogie. Pour faire partie d'Israël, il faut pouvoir se rattacher à des ancêtres. Donc il y a une fonction identitaire très très évidente. Une fonction aussi de légitimation, de dire voilà, on fait partie d'Israël, du vrai Israël, parce qu'on peut s'inscrire dans cette généalogie. Et puis pour finir, ça ne me regarde pas trop, mais quand même quelques mots sur le Nouveau Testament. Vous avez, pareil, vous avez une généalogie ascendante et une descendante dans les deux évangiles de Matthieu et de Luc, chaque fois pour légitimer la messianité de Jésus. Une fois, on va dire, voilà, il est le Messie parce qu'il descend à la fois d'Abraham et de David. Une fois, on va dire « il est divin » parce qu'on va remonter jusqu'à Adam et on va dire « Adam était de Dieu ». Donc, conclusion, Jésus est le nouveau Adam. Voilà. Donc, vous voyez un peu les fonctions de ces généalogies. Donc, c'est très important. On n'a pas fait un peu tendance d'aller trop vite quand on tombe sur ces généalogies, mais ils ont beaucoup de choses à nous dire. Idem donc pour ce qu'on appelle dans la Genèse les toledotes. Les toledotes, donc, qui viennent donc un mot féminin pluriel qui vient d'une racine engendrée, enfantée, les enfantements, hein, les généalogies, l'histoire, on peut traduire de beaucoup de manières. Et lorsque vous lisez le livre de la Genèse, et ça c'est une spécificité du livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que c'est structuré à partir de ce titre. Voici le Toledot 2. Ça commence avec voici le Toledot du ciel et de la terre, ça c'est un peu curieux, qui introduit en fait l'histoire d'Adam et Ève. Et puis, les Toledot d'Adam, qui introduit en fait la série des généalogies jusqu'à Noé et le déluge. Les toldot de Noé, c'est l'histoire du déluge et des fils de Noé. Les toldot, maintenant, justement, les toldot des fils de Noé. Les toldot de Sem, dont nous avons déjà parlé. Les toldot de Terah. Les toldot d'Ismaël. Les toldot d'Isaac. Les toldot d'Ésaü. Et les toldot de Jacob. Et quand vous passez au livre suivant, vous trouvez plus ça. Ça s'arrête avec la Genèse. Il y a juste encore une fois, dans le livre des Nombres, au chapitre 3, on va parler des toldot de Moïse et d'Aaron. Mais c'est vraiment quelque chose qui est particulier au livre de la Genèse. Il y a deux types de ce liste. Il y a ce que vous avez en italique, donc les toldot de Sem, de Ismaël, de Ésaü. Ils introduisent plutôt des listes, alors que la plupart des autres cas introduisent une histoire des descendants de la personne apparaissant dans le titre. Alors, je vais déjà vous poser une question à laquelle vous pouvez réfléchir pendant que je continue à parler. Il y a quelque chose qui manque peut-être. Il y a Isaac, mais surtout aussi Abraham. Il n'y a pas de toldot Abraham. Alors, réfléchissez-y, et puis je vous dis d'abord un peu autre chose encore. Donc, ces structures en toldot est quelque chose de tout à fait particulier du livre de la Genèse. Et on a en effet imaginé, au début du XXe siècle, un dénommé Hertmans, que, en fait, l'origine du livre de la Genèse était ce qu'il appelait un sefer toldot, un livre, un rouleau de toldot qui aurait en quelque sorte formé, comment dire, le cadre ou le squelette à partir duquel après on aurait développé tous les histoires autour. C'était une théorie, à mon avis, intéressante parce qu'elle intervenait à un moment où on voulait avoir toujours la même théorie pour l'ensemble du Pentateuque. Souvenez-vous ce qu'on avait vu quand on a parlé des théories sur la formation du Pentateuque. On avait toujours fallait le yaviste qui couvre l'ensemble des livres, etc. Et Hertmann avait bien vu cette particularité du livre en fait, de la Genèse avec cette idée que peut-être à l'origine, il y a un rouleau de toldot. Cette théorie n'était pas trop suivie. Néanmoins, Noth et von Rad, les grands exégètes que vous connaissez peut-être, ont un peu modifié l'idée en disant « Oui, alors peut-être la source P, le sacerdotal, aura peut-être utilisé ces toldot, alors que la plupart des exégètes aujourd'hui pensent que c'était simplement une création littéraire de cette école sacerdotale. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi s'est arrêté au livre de la Genèse? Pourquoi ça ne continue pas? Ils auraient pu continuer. Parce qu'après, il y a Moïse, les Lévites, tout le monde. Donc, il y a quand même quelque chose qui n'était pas idiot dans cette théorie et qui, d'ailleurs, est repris par Yerike. On pourrait imaginer quand même qu'il y a eu petit livre de toldot. Moi, je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais c'est quelque chose que j'aimerais un peu explorer, que l'auteur sacerdotal s'est peut-être en effet appuyé sur quelque chose qui aura commencé peut-être en Genèse 2, en 5, et puis pour l'histoire d'Abraham, évidemment, ce qui nous intéresse, en 11-27. Mais reste quand même la question que je vous ai posée. Pourquoi pas de toldot d'Abraham? Est-ce qu'on a perdu les toldot d'Abraham? Certains ont dit ça, ils ont dit on l'a perdu ou ça a été oublié par un copiste. Bon, ça c'est toujours une explication qu'on donne quand on ne sait pas trop comment expliquer les choses. C'est toujours la faute des copistes. Bon, parfois ils font des fautes, ça c'est sûr, mais pas tout le temps. Alors, prenons d'abord ce que nous avons. Nous avons les toldot de Terah, qui, d'une certaine manière, se conclut avec la mort de Terah, puisqu'en 11.32, on dit que Terah est mort. Hein ? Mais en même temps, on peut aussi observer une deuxième chose, que les toldot de quelqu'un introduisent en fait toujours l'histoire du fils ou d'un des fils de celui qui est nommé dans le titre Hein. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Les Toldot d'Isaac introduisent l'histoire de Jacob. Mais se termine par la mort d'Isaac quand même. À la fin de l'histoire de Jacob, on va parler de la mort d'Isaac. Les Toldot de Jacob introduisent l'histoire de Joseph, qui se termine par la mort de Jacob. Et donc, on peut penser quand même que les Toldot de Terach introduisent en effet l'histoire d'Abraham. Seulement, il y a une différence par rapport aux Toldot des autres, parce que Terach va mourir avant qu'Abraham arrive dans le pays. Terach ne fait pas partie de la lignée qui devient Israël, alors que, évidemment, les descendants, le descendant d'Isaac, le descendant de Jacob vont continuer la lignée. Donc, je ne pense pas qu'on a perdu le titre Toldot d'Abraham. On a tout simplement fait cette rupture avec la mort de Terach avant la mort d'Abraham pour justement signifier cette différence. Donc je pense que ce n'est pas un oubli ni une perte, ça fait partie de la logique de ces séries des Toldot. Avec la différence aussi, qui est aussi une différence assez habile, parce que les Toldot d'Ismaël d'Ésaü n'introduisent pas des histoires, mais introduisent en fait des listes des descendants d'Ismaël et d'Ésaü pour, d'une certaine manière, marquer la différence entre les lignes, comment dire, les lignes principales dans la perspective de la Bible, et puis les lignes secondaires qui, justement, vont donner lieu à d'autres peuples, mais qui, justement, ne sont pas le peuple d'Israël. Voilà comment on peut expliquer ce système des titres, qui est donc un système tout à fait cohérent. Il n'y a pas besoin, en fait, de chercher une Toldot d'Abraham qu'on aura perdue quelque part. Hein. Donc, maintenant, revenons au Toldot de Terach. Donc, vous voyez qu'il y en a 11 et celle de Terach se trouve au milieu. Donc, elle est vraiment centrale dans la structure de la Genèse. L'auteur, donc, va présenter Terach comme l'ancêtre, le père d'Abraham, Nahor Haran, qui va mourir très vite, on y reviendra. Et puis, si on veut compliquer les choses, on peut avoir un schéma comme ça. On va, en fait, la complexité, et ça, c'est quand même intéressant, là, vous avez la complexité de cette structure généalogique de la Genèse. Il ne faut pas maintenant essayer de lire tous ces noms, mais seulement pour vous dire qu'il y a la lignée qui va avec Abraham et ses trois femmes, Hagar, Sarah et Keturah, dont on parle peu. Et puis, il y a les lignes, disons, secondaires, mais qui jouent aussi un grand rôle, justement, dans la construction de l'histoire du patriarche, donc, qui débouche, justement, sur Rebecca, notamment, mais qui, après aussi, débouche sur les Moabites, les Ammonites. Donc, on va, en effet, avoir, avec cette généalogie, avec cette Toldot de Terach, certes, l'histoire d'Abraham, mais une histoire d'Abraham qui ne peut être séparée de l'histoire des autres. Ça, je pense, c'est très important. Voilà, après ces remarques plus générales, on va, de nouveau, ça demande un peu de patience, on va s'interroger un peu sur les noms qui apparaissent dans cette généalogie. Les noms sont jamais, évidemment, innocents. Ils ont toujours une signification, même si parfois cette signification nous échappe. Et Je ne vais pas parler d'Abraham, puisque d'Abraham, nous avons déjà parlé au début de ce cours, et nous en reparlerons surtout quand on arrivera au chapitre 17, où Abraham deviendra Abraham. Donc là, il faut se reposer la question. Mais parlons d'abord donc des frères du père d'Abraham. D'abord, Haran, dans vos traductions, vous ne faites pas la différence entre Haran et Charan, puisque Haran est à la fois un des fils de Terah, mais c'est aussi le nom d'une ville. Bon, en hébreu, il y a une différence parce que c'est Haran avec un H et c'est Charan avec un Chet. Bon, ceci dit, on peut confondre les deux lettres très très facilement. Vous pouvez regarder l'écriture, vous voyez, ça se confond très facilement. Donc, est-ce que le mot ou le nom de la personne Haran est construit à partir du nom de la ville, hein, sur laquelle je dirais aussi encore quelques mots, la ville qui veut dire quelque chose comme relais, station, ou est-ce que Haran a quelque chose à voir avec la montagne? C'est très difficile de savoir. Il existe un Beit Haran au nombre 32. On avait même voulu voir, mais là c'est un peu des spéculations, en Haran le nom d'une divinité, mais elle n'est pas attestée nulle part. Donc si ce n'est pas attesté quelque part, je pense qu'il faut un tout petit peu se méfier. Donc disons, il y a un lien qui est suggéré par le texte entre le nom de la personne et le nom de la ville. Une chose comparable peut être dite pour Nahor. Alors là, de nouveau, Nahor peut être un nom propre, simplement, à une racine, peut-être Nahar, qui signifie renacler, renifler, ronfler, ou une autre racine, ça pourrait être aussi la racine Hara, brûler, être donc sec, chaud. Mais, de nouveau, nous avons, et ça c'est intéressant quand même, dans des documents de l'époque néo-assyrienne, 8e, 7e siècle, la mention d'un lieu, Til Nahiri, qui se trouve justement, comme par hasard, à proximité de Haran. Donc du coup, il y a peut-être quand même un lien un peu géographique qu'on suggère avec tout ce monde. Hein ? Et on peut aussi mentionner, ça nous dépasse un tout petit peu, parce que Serouk, qui est mentionné en 1122, c'est aussi une ville du nom de Sarougi, très proche de nouveau de Haran. Même pour Terah, on peut faire un lien avec une localité Tilcha Turachi, la colline du Boukta, de nouveau attestée dans des textes de l'époque néo-assyrienne, donc nous sommes toujours au 8e, 7e siècle. Tout cela se trouve donc dans les alentours de Haran. Donc voilà Haran, ce fameux Til Nahuri, Sarougi, et puis la colline du Boukta. Donc tout cela est un peu dans la même région. Alors, est-ce que l'auteur a simplement repris ou s'est inspiré des noms géographiques qu'il connaissait pour trouver une descendance à Abraham qui est liée à la région de Haran? Ça, c'est une première hypothèse qu'on peut faire. Donc, une sorte de spéculation savante dont P a le secret, qui dit, mais s'il vient de Haran, comment il s'appelle? Parce que mon idée, c'est justement qu'à l'origine, Abraham ne vient pas du tout de Haran. Abraham a toujours été dans le pays de Canaan. Donc c'est quelque chose, une idée qui viendra beaucoup plus tard, que Abraham est une figure exodique, de ça on y reviendra. Donc ça, c'est une possibilité, certainement pour Nahor et pour Haran. Pour Terah, c'est possible aussi, mais en même temps, il y a peut-être autre chose. Je pense qu'il y a aussi un lien avec un certain nombre de personnes dans la généalogie d'Abraham, ou dans ses premiers chapitres, dans ses premiers versets du chapitre 11, qui est lié au culte lunaire. Alors, Terach, alors on peut le mettre en rapport avec l'autel du Bouctin, mais il y a peut-être aussi un autre rapprochement à faire en lien avec le culte lunaire. Alors, quand on a découvert les textes d'Ougarit, on a trouvé une racine, justement, Terechet, Terech. On a pensé que c'était le nom d'un dieu lunaire. Mais maintenant, on sait qu'il faut le traduire autrement, il faut plutôt le traduire par prendre une femme en payant la dot, donc ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une divinité lunaire. On a aussi rapproché Terra à une divinité Ilteri, qui pourrait être aussi, mais qui apparaît donc dans des noms de l'époque perse, dont certains ont pensé que ça vient peut-être d'une combinaison du nom de Saha, qui est l'équivalent araméen du dieu lunaire Sin, et de Il, donc El. Mais là, c'est compliqué parce que le chet, la gutturale, elle ne peut pas simplement se perdre, ou elle ne peut pas simplement être rajoutée, donc ça, ça ne joue pas. Donc je vous propose une solution beaucoup plus simple. Pour ceux qui savent l'hébreu, vous prenez simplement le mot hébreu pour la lune, Yareach, et puis à partir de cela, vous construisez un nom. Parce que ça, on l'a souvent, que les noms de personnes, on prend une racine et puis on met un T à la place de la première radicale ou même avant la première radicale, et ça vous donne un nom propre. Donc je pense qu'on peut imaginer simplement qu'on a pris l'équivalent hébreu de Sin, la lune, comme base pour construire le nom de Terra. D'autant plus que Ur est justement connu pour le culte lunaire. Donc, Ur, vous connaissez, c'est donc une ville qui est déjà très importante vers la fin du 4e millénaire avant notre ère. Trouve un premier apogée à la fin du 3e millénaire, donc sous la troisième dynastie de Ur, et donc surtout important pour le culte lunaire, le sanctuaire principal étant donc la maison de la grande lumière, donc la fameuse ziggourat là, qu'on a reconstruit. Après, Ur va un peu perdre son importance jusqu'à quelle époque, et c'est probablement l'époque qui nous intéresse, jusqu'à l'époque de Nabonide, qui va restaurer le culte lunaire à Ur. Donc là, vous avez un cylindre de Nabonide qui, justement, parle de cette restauration du culte de Nana ou de Sin, donc du dieu de la lune, dont Nabonide apparemment veut faire le seul dieu ou le dieu principal. De toute façon, à cette époque-là, on pourra dire que le monothéisme est un peu dans l'air, monothéisme entre guillemets, mais c'est tendance un peu vers l'unicité du divin. Nabonide l'a probablement essayé à partir de Sin. Donc du coup, il y a quand même des convergences. Haran, on va y revenir, c'est un centre important du culte lunaire. Ur-Kasdim, évidemment, c'est clairement l'indication que l'auteur ou les auteurs bibliques qui donnent cette épithète, qui est une sorte d'abréviation pour Ur, ville des Chaldéens, Kasdim, c'est le mot hébreu pour les Chaldéens, pour les Babyloniens. Et si vous prenez vos concordants, si vous regardez les autres textes où on va parler des Chaldéens, ben c'est chaque fois des textes qui parlent des Babyloniens, ce qu'on appelle des néo-babyloniens, donc là, on est au 7e, 6e siècle. Ce qui permet évidemment aussi de donner une datation à ces textes. On sait, on peut en effet dire que c'est un texte qui ne peut avoir été écrit avant le 7e siècle, probablement plutôt au 6e. Alors, ces liens avec le culte lunaire, ils continuent. Ils continuent avec les deux noms de Sarah ou de Sarai et de Milka. Sarai veut dire princesse. Si vous lisez dans certaines publications que ça veut dire ma princesse, c'est faux. C'est princesse, ma princesse sera Sarati. Hein, donc, parce qu'il y a, à l'époque, mais je crois maintenant c'est plus tellement populaire, il y avait ce livre de Marie Balmary, je ne suis plus sûr, l'histoire d'Abraham, où vous le passez de ma princesse à la princesse, donc l'émancipation de Sarah qui n'est plus l'objet de quelqu'un. C'est très joli, mais ça n'a rien à voir avec le texte biblique, donc on va se tenir au texte biblique. Donc Sarai ou Sarah signifie en effet princesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que Charatou, c'est aussi le titre de la parèdre, de l'épouse, de la maîtresse du dieu lunaire à Babylone. Est-ce que c'est par hasard ? Question qu'on peut se poser. Milka, la reine, Malku, Malkita, Malkata, Malkatu, c'est un titre aussi pour Ishtar, en tant que fille de Sin ou de Nana. Donc on est vraiment dans un milieu lunaire. On ne peut pas... Disons, ce serait quand même beaucoup de hasard de dire que c'est par hasard que c'est aussi ça. Donc je pense qu'on est quand même là, tout à fait dans ce monde-là. Vous avez ici donc, le symbole de Sin. En fait, Sin, c'est plutôt la demi-lune. Et puis, donc là, Ishtar, qui lui est associé dans un sceau. Il faut expliquer cela, ce n'est pas par hasard. Et puis, justement, Haran, où ils arrivent, leur première station, c'est aussi un endroit qui est associé, en fait, au culte lunaire. Donc une ville bien attestée maintenant dans les documents de Marie, déjà deuxième millénaire, donc où on a là aussi la présence de culte de Sin. À partir du 8e siècle, donc à partir de l'époque des Assyriens, Haran devient un peu une sorte de sous-capitale pour la partie ouest de l'Empire et surtout de nouveau un centre important à cause de la vénération de Sin par la population araméenne. La Bible, elle aussi, parle de la popularité du culte des astres vers la fin de l'époque assyrienne. Donc je vous ai juste mis ici un texte, il y en a d'autres, hein, vous pouvez lire dans le Livre des Rois, où justement on parle du fait que les habitants de Jérusalem vénèrent le soleil, la lune, l'armée du ciel, donc toutes les étoiles, et puis vous pouvez en trouver d'autres. Et ce qui est intéressant quand même, c'est l'association très forte de l'histoire des patriarches, non pas tellement avec Ur, mais avec Haran, qui est très très fortement associé à Haran, c'est en effet Jacob. N'est-ce pas ? Parce que Jacob, lorsqu'il doit s'enfuir de son frère, il va se réfugier à Haran, chez Laban. Et puis, ce qui m'a communiqué M. Durand, que Laban est aussi attesté comme une divinité lunaire à Marie. Ou un épithète, peut-être. Un épithète, le blanc. On peut faire l'association avec la lune. Donc, voilà, de nouveau, nous sommes en plein milieu lunaire. Et même les deux femmes de Jacob, Léa, la vache, Rachel, la brebis, peuvent être tout à fait pensées à l'association de la figure de la lune et des troupeaux. Les troupeaux sont souvent mis en rapport avec la lune, fécondité des troupeaux. Donc, comment, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Pourquoi un auteur qu'on va situer provisoirement aux alentours du 6e, 5e siècle, pourquoi veut-il suggérer des liens entre les origines des patriarches et le culte lunaire? Alors, est-ce que c'est simplement quelques souvenirs lointains, puisque déjà au deuxième millénaire, il y a des figures qu'on retrouve via Laban dans la Genèse. Haran est un centre important. Est-ce que c'est juste ce que d'aucuns appellent des fragments de mémoire, de bribes de mémoire? Ou est-ce qu'il y a plus? Certains ont dit que ça pourrait être une sorte de démythologisation, c'est-à-dire qu'on prend ces titres de divinité et on en fait des personnages historiques. Ça, c'est en effet un phénomène qu'on peut observer aussi après dans l'Église catholique avec les saints, qui souvent sont aussi des petites divinités qui sont démythologisées d'une certaine manière. C'est une piste, mais peut-être pas assez, disons, possible, mais je la trouve pas très excitante. Il y a peut-être plus. Je vous ai déjà dit, mais peut-être de manière trop rapide, que l'auteur sacerdotal a une conception du monothéisme plutôt, qu'est-ce qu'il faut dire? Si on voulait être péjoratif, on pourrait dire syncrétiste. Si on voulait être plus positif, on pourrait dire inclusif. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons vu comment, lorsque Yahvé se présente à Moïse, il se présente en disant « Je suis Yahvé, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas présenté à Abraham. À Abraham, je suis apparu comme le El Shaddai. » El Shaddai, c'est une divinité, on le sait, qui est vénérée par des tribus nabatéennes, proto-arabes, donc qu'on veut identifier à Yahvé. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelque chose aussi ici? Est-ce qu'on ne veut pas, d'une manière discrète, dire que ce culte lunaire tellement mis en avant par Nabonide, et dont Nabonide voulait en faire le seul dieu, est en fait personne d'autre que Yahvé, via toute cette famille qui va naître d'Abraham, à qui Yahvé va ensuite apparaître comme le El Shaddai. Donc, pour dire en fait, et l'auteur sacerdotal, si on le situe au VIe siècle, il est possible qu'il ait été au courant de ces histoires de Nabonide. Il avait Nabonide, il avait Haran, et puis à partir de cela, il a construit une généalogie d'Abraham qui tourne autour de ces deux centres et qui signale ou qui suggère peut-être que le Dieu qui finalement va se révéler à Abraham, c'est peut-être pas tellement différent. Seulement, les Babyloniens, ils ne connaissaient pas le vrai nom, comme ce sera le cas aussi avec la descendance d'Abraham. Donc, c'est une hypothèse que je ne peux pas prouver, mais il y a un certain nombre d'indices. Troisième élément qui n'est pas forcément en opposition, mais qui peut se compléter, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que, jusqu'à aujourd'hui, la Lune est toujours en rapport avec la fertilité des femmes. Et donc là, on crée en quelque sorte aussi une sorte de paradoxe. On va donner ces allusions avec Sarai, avec Milka, avec Terach, avec Haran, et tout d'un coup, on va dire que, justement, Sarai est stérile. Donc ça peut aussi avoir un effet un peu de contraste. Donc parler tout le temps ou suggérer tout le temps un culte lunaire et tout à coup s'arrêter en disant Sarai est stérile. Alors, on va y revenir sur la question de la stérilité de Sarai. Il y a une deuxième chose, ou une autre chose qu'il faut vite mentionner, c'est que si vous avez votre texte, si vous regardez, on est frappé par le fait que de Sarai, on ne dit pas de qui elle descend, contrairement à Milka et Yiska. Sarai n'a pas d'ancêtre dans cette liste. Alors tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas trop vite parler de suppression. Là maintenant, je vous dis peut-être quand même qu'on pourrait imaginer que cette généalogie de Sarai a peut-être pu être supprimée. Pour quelles raisons ? Probablement au moment où on a intégré le récit de Genèse 20. De Genèse 20, on va en parler très très vite, peut-être déjà la prochaine semaine ou en deux semaines, qui est un récit parallèle au récit où Abraham vend sa femme dans le harem d'un roi étranger. Et en Genèse 20, contrairement à Genèse 12, où le récit est raconté pour la première fois, en Genèse 20, il va se justifier en disant « je n'ai pas vraiment menti en disant « elle est ma sœur ». Elle est en effet ma demi-sœur, hein, du même père, pas de la même mère. Mais on n'a nulle part cela. Et on peut en effet penser que c'est un peu une justification ad hoc, mais qui du coup peut-être était en contradiction avec une première généalogie de Sarah que l'auteur sacerdotal avait fournie. Donc là, je pourrais imaginer qu'on a délibérément omis, parce qu'en copiant le texte, on rajoute, mais en copiant le texte, on peut aussi omettre. Évidemment, je suis conscient que c'est un argument un peu difficile à manier, parce que les omissions... Bon. Mais il y a des omissions, ça, on le sait. Il y a des omissions, par exemple, si vous comparez les tablettes les plus anciennes de l'épopée de Gilgamesh avec les tablettes les plus récentes, vous vous rendez compte qu'on n'a pas tout recopié. On a omis un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est une pratique aussi dans les inscriptions assyriennes. Les inscriptions royales assyriennes, Bopafa, on omet les choses. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Simplement, c'est évidemment très difficile, très, très difficile à prouver. Alors, encore un mot concernant la troisième femme qui est mentionnée, Yiska, dont on n'en parlera plus jamais. Alors, les rabbins, évidemment, ont vu aussi le problème de l'absence de la généalogie pour Sarai. Ils ont dit, non, en fait, Yiska, c'est personne d'autre que Sarai. Mais ça, c'est aussi assez spéculatif, et puis le texte ne le suggère pas. Je pense que ce n'est peut-être pas une solution à retenir. On ne sait pas très bien d'où vient ce Yiska. Il y a peut-être un lien à faire avec une racine NSK, donc faire une libation, servir un roi. On aura un peu un contexte royal, comme avec Sarai, la princesse, Milka, la reine, possible. Ou encore une racine d'où vient aussi les Sukkot, la Sukka. Là, je omis, donc c'est, disons, j'ai inversé, c'est SKA, donc pas K, SKA. Protégé, je corrigerai ça pour le mettre sur le site. Protégé, et alors là, on aura une opposition peut-être un peu entre Yiska et Sarah, une qui est protégée et une autre non, parce que justement, elle n'a pas d'enfants. Mais c'est vrai que c'est une dame qui intervient une fois et puis qui disparaît dans la suite. Voilà, si quelqu'un veut faire une thèse sur Yiska. Bien. Alors, maintenant, de Sarai, on dit qu'elle est stérile. Stérile, pas dans le sens forcément biologique. Ce qu'on traduit par stérile, c'est quelque chose... le mot veut d'abord dire enfermé, empêché. Elle est empêchée d'avoir des enfants. Donc évidemment, derrière l'idée, c'est clairement la conception que c'est toujours une sanction divine. On n'est pas stérile comme ça, par nature. Donc Dieu m'a empêché d'enfanter, dira au chapitre 16 Sarah quand elle vient voir Abraham. Le motif de la femme stérile est quelque chose de très important dans la Bible. Vous le trouvez à plusieurs endroits. Vous le trouvez dans l'histoire des juges, hein, pour la femme de Manoa, dont on ignore le nom, mais qui sera la future mère de Samson. Vous le trouvez évidemment aussi pour Anne, la mère de Samuel. Ensuite, vous le trouvez de manière plus imaginée ou imagée, donc plus allégorique. Donc là, l'image de la femme stérile appliquée à Jérusalem au moment de l'exil pour dire que voilà, elle peut plus avoir de descendants. Sa stérilité, c'est surtout ça. Et puis dans le Nouveau Testament, évidemment, pour Élisabeth. Alors. Ce qu'il faut vous rappeler, vous le savez sans doute, donc c'est qu'un petit rappel, que il y a dans l'Antiquité pas plus grand problème pour une femme que de ne pas avoir d'enfant. C'est, alors je regrette de le dire comme ça, mais dans la conception, dans l'anthropologie antique, la femme est là pour avoir des enfants. Et puis, si elle ne joue pas ce rôle, si elle ne peut pas la jouer, elle est très, très fragilisée. Hein ? On peut la renvoyer sans autre, et puis c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de contrats de mariage, on en parlera plus en détail quand on arrivera à Genèse 16, qui essayent justement de protéger en quelque sorte la femme en disant qu'elle peut se faire remplacer par sa servante, elle peut adopter ensuite l'enfant. Mais on peut aussi parfois la dégrader, elle n'est plus la femme principale dans un contexte polygame. La stérilité est vraiment quelque chose qui pose un problème. En même temps, on va, quand on regarde justement les récits, qu'un certain nombre de personnages importants naissent justement dans des contextes difficiles pour la femme. Donc là, il y a aussi un lien intéressant à faire. Une dernière chose peut-être, c'est que on ne peut imaginer apparemment le fait que la stérilité de la femme peut provenir de l'homme. C'est-à-dire, on n'imagine ça nulle part. Donc c'est évidemment jamais la faute de l'homme, c'est toujours la femme qui est stérile. Comme d'ailleurs aussi l'adultère dans l'Antiquité, c'est seulement la femme qui peut être adultère, jamais l'homme. Non, c'est, juridiquement, c'est comme ça, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, en mentionnant cette stérilité de Sarai, on peut à la fois, en effet, penser qu'il y a un problème, mais en même temps, on peut aussi, en comparant avec, justement, Samuel, Samson, penser que peut-être ça prépare la naissance de quelqu'un d'exceptionnel. Donc ça, c'est les deux aspects, je pense, ils sont introduit. Alors, après cette mention de stérilité de Sarai, on arrive à la notice du départ. Du départ d'abord de Terar, avec cette formulation très bizarre, « ils sortirent avec eux ». C'est qui « ils sortirent avec eux ». Donc ça, c'est ce que vous avez dans le verset 36. Donc Terar prit Abraham, etc. « Ils sortirent avec eux d'Ur Kasdim ». Pourquoi ce double pluriel, ce qui est très, très curieux? Probablement, le mieux, c'est de le comparer avec le verset 5 du chapitre 12, qui a une structure comparable. Puis on pourra dire le « il », c'est justement ceux qui sont mentionnés, Abraham, Lot, Sarai. Par contre, ceux qui ne sont pas mentionnés, c'est Nahor et Milka, mais qui doivent aussi partir parce qu'ils réapparaissent après au chapitre 22 ou 24. Donc, c'est la seule solution que je peux vous proposer si on ne veut pas dire qu'il y a une erreur de vocalisation de scribe. Donc, je pense que c'est dans cette direction-là qu'on peut comprendre cela. Maintenant, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est, on va faire un peu de calcul mental, l'âge de Terar au moment de sa mort. Alors, dans le texte massorétique, Terar meurt à 205 ans. Dans le texte du Pentateuque samaritain, il meurt à 145 ans. Donc, je vous ai déjà dit, la différence qui est de taille, c'est que pour le Pentateuque samaritain, Abraham ne part qu'au moment où son père est décédé. Alors que, si on fait le calcul selon le texte massorétique, Terah vit encore 60 ans après le départ d'Abraham. Bon, là, évidemment, de nouveau, les rabbins ont vu le problème. Et puis, je vous cite simplement ce qu'a dit Rashi, grand commentateur du Moyen-Âge. « C'est pour que les gens ne disent « Abraham n'a pas accompli le devoir d'honorer son père puisqu'il a quitté son vieux père. » C'est pourquoi la Torah le donne dès maintenant pour mort. Les méchants, en effet, même de leur vivant, sont appelés morts. Donc, si vous essayez de comprendre ce qu'il dit, il va très bien qu'il n'est pas mort. Il dit, mais la Torah dit qu'il est mort parce que, justement, il est méchant. Alors, je pense de nouveau, le problème est bien vu. La question... c'est comment expliquer les deux chiffres. Alors, traditionnellement, ce qu'on dit traditionnellement, c'est que le texte du Pentateuque samaritain est une correction des 205 ans. C'est-à-dire, voilà, on a calculé, on a dit à Terah à 70 ans au moment de la naissance d'Abraham, et puis, en 12 au verset 4, Abraham a 75 ans lorsqu'il part. Donc 70 et 75 donnent 145. Le texte samaritain aurait donc facilité la chose en suggérant justement que Abraham ne part qu'au moment de la mort de son père. Une autre hypothèse qui est minoritaire, présentée récemment par un dénommé Tsakovic, c'est de dire non. C'est le texte massorétique qui est une correction du texte samaritain. Pourquoi ? Ça, au début, on ne comprend pas très bien. Au début, quand j'ai lu ça aussi, je me suis dit, c'est pas très très logique. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être quand même pas totalement impossible. Parce que si vous regardez le récit de la Genèse, rien n'est dit en fait pourquoi Abraham part de Haran, part de son père. Hein ? Donc si vous prenez le 11-32, le jour de Terah était de 205 ans et Terah mourut à Haran. Et après, ça continue, Abraham s'en alla, Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Donc nous avons vu que c'était la suite, en fait, de cette histoire. Pourquoi il sort ? Alors évidemment, maintenant, il y a cette vocation, mais si on se fait le récit tel que nous l'avons reconstruit, on ne sait pas très bien pourquoi il sort. Alors, il y a toute une tradition qui n'est pas explicite dans la Bible sur le fait que Terah était un grand idolâtre. Vous connaissez peut-être cette tradition qui devient très importante dans l'interprétation rabbinique. En fait, pourquoi Abraham est parti ? Parce que son père était un vénérateur d'autres dieux. Et donc, du coup, on peut se poser la question si, au moment où on a réécrit vers la fin, vers 400-350, le Pentateuque, est-ce qu'on n'a pas déjà connu ces traditions ? C'est une tradition qui est bien attestée dans le livre des Jubilés, au chapitre 12, qui présente à la fois Haran et Terra comme des idolâtres. Et puis, justement, on raconte que Abraham brûle les idoles de son père, et puis Haran, qui veut les sauver du feu, est brûlé, justement, par cette action. C'est aussi une explication pourquoi, justement, il meurt aussitôt dans l'histoire. Donc là, évidemment, il y a un jeu de mots entre le nom de la ville Our et puis le mot hébreu Our, feu. Donc, cette tradition-là, elle est attestée dans le Jubilé, mais qui, évidemment, sont plus récents. Mais jusqu'à où remonte cette tradition? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'on a quand même, dans le chapitre 24 du livre de Josué, qui n'est pas un texte, disons, très, très ancien, mais on a quand même cette idée, vos pères, et puis on va dire Terach, le père d'Abraham et le père de Nahor, servaient d'autres dieux, jadis. Donc là, c'est quand même une tradition qui est déjà connue par l'auteur de Josué 24. Donc, on pourrait, en effet, imaginer que le texte massorétique veut introduire discrètement cette tradition en suggérant justement que Abraham est parti de du vivant de Terach pour se séparer de ses pratiques de servir d'autres dieux. Comme on va le dire aussi en Genèse 35, rejetez les dieux que vos pères ont vénérés, c'est un peu comme en Josué 24. Donc il y a quand même déjà dans la Bible cette tradition-là. Et puis on ne sait pas sous quelle forme exactement elle était connue par les derniers rédacteurs de la Bible. Mais on ne peut pas exclure le fait qu'elle était connue et qu'on a justement, du coup, corrigé les 145 en 205. Alors, parfois, on dit, mais 205, c'est un chiffre qu'on n'invente pas. Vous pouvez aussi faire de nouveau un peu de calcul. De 145 à 205, vous avez 60. Et 60, c'est quand même le base de calcul en Mésopotamie. On calcule avec 60. Puis si P connaît bien la Mésopotamie, on peut très bien comprendre pourquoi elle passe de 145 à 205. Voilà, avec ces réflexions mathématiques, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc nous allons continuer la semaine prochaine avec la deuxième partie, avec l'appel qu'Abraham reçoit. Et si nous avons le temps, nous allons regarder cette histoire très curieuse où Abraham fait passer Sarah pour sa sœur, ce qui est la suite de l'histoire. Donc si vous avez un peu le temps, vous pouvez déjà le lire. Alors donc, on se retrouve jeudi prochain à 2h. Bonne semaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.